Cha Sung-soo, président du comité central de l'Union des journalistes de Corée, a publié le 28 mai un entretien. Il a dit « La ligne et l'orientation précisées en matière d'orientation nationale par le respecté maréchal Kim Jong-un lors de l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée synthétisent la ligne et l'orientation originale en matière d'orientation maintenue invariablement par notre parti dans la dure lutte pour mettre fin aussi vite que possible à la tragédie de la division nationale, ainsi que victoire, succès et expérience obtenues entre-temps. » Les tâches et orientations précisées par le maréchal pour l'unité nationale constituent un programme commun de la nation pour la réunification que tous ceux qui veulent l'amélioration des rapports Nord-Sud et la réunification peuvent accepter et appliquer. Tous les hommes de la presse du Nord sont déterminés à remplir leur mission et responsabilité sacrée assignée par l'époque et l'histoire conformément à l'idée et à la ligne, à l'orientation et aux tâches précisées par le maréchal. Les conservateurs sud-coréens prétendent absurdement que notre appel patriotique n'est qu'une offensive de propagande et demandent l'action loyale pour la dénucléarisation et continuent les menées de confrontation. Tous les hommes de la presse sud-coréens sont invités à remplir leur mission et responsabilité de pionniers de l'époque et de la réunification pour améliorer les rapports Nord-Sud et accélérer la réunification indépendante conformément à la demande et aux intérêts de toute la nation.